savais t'es ni bel côté comme ça. En pays là, c'est bonne fois, moi voilà. Moi pas te savais t'es ni bel côté comme ça. En pays là, c'est bonne fois, moi voilà. Pendant l'autre côté, côté.